Je tourne à gauche. Ma trajectoire peut être la numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. La numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D.